ciel qui tombe et du haut du ciel sans clarté sur la lugubre humanité. Dieu, qu'a donc fait la créature? C'est le grand cri de la nature. Et pourquoi l'être est-il puni dans le grand cri?